Ô ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite, retraite qui peut-être sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous, qui êtes deux fois ma sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je voulais servir Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offerte au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement, vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Ô ma sœur chérie, vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre petite fille. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir les enseignements divins. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots. Bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis. Mais parfois une parole comme celle-ci, que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être restée dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'amour. La science d'amour. Ah oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime comme l'épouse des sacrés cantiques n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit-Saint par la bouche de Salomon. Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles s'écrie au nom du Seigneur. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. Ô ma reine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Puisqu'il a dit dans le psaume 49, « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent. Et les milliers d'animaux qui paissent sur les collines, je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs? Immolez à Dieu des sacrifices de louanges et d'actions de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour, car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples, à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes secrets de notre époux. Ah, si vous vouliez écrire, tout ce que vous en connaissez, nous aurions de belles pages à lire. Mais je le sais, vous aimez mieux garder au fond de votre cœur les secrets du roi. À moi, vous dites qu'il est honorable de publier les œuvres du Très-Haut. Je trouve que vous avez raison de garder le silence. Et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du ciel. Et puis, après avoir tracé des pages et des pages, je trouverais n'avoir pas encore commencé. Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, que la palette du peintre céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'œil de mon âme. Ma sœur chérie, vous ne m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi, cela doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme, que tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées. Ce qui, hélas, n'empêche pas qu'elle soit bien mal exprimée. 8 septembre 1896, à ma chère sœur Marie du Sacré-Cœur. Ô Jésus, mon bien-aimé, qui pourra dire avec quelle tendresse, quelle douceur vous conduisez ma petite âme? Comment il vous plaît de faire luire le rayon de votre grâce au milieu même du plus sombre orage? Jésus, l'orage grondait bien fort dans mon âme depuis la belle fête de votre triomphe, la radieuse fête de Pâques, lorsqu'un samedi du mois de mai, pensant aux songes mystérieux qui sont parfois accordés à certaines âmes, je me disais que ce devait être une bien douce consolation. Cependant, je ne la demandais pas. Le soir, considérant les nuages qui couvraient son ciel, ma petite âme se disait encore que les beaux rêves n'étaient pas pour elle, et sous l'orage elle s'endormit. Le lendemain était le 10 mai, le deuxième dimanche du mois de Marie, peut-être l'anniversaire du jour où la Sainte Vierge daigna sourire à sa petite fleur. Aux premières lueurs de l'aurore, je me trouvais en rêve, dans une sorte de galerie. Il y avait plusieurs autres personnes, mais éloignées. Notre mère seule était auprès de moi. Tout à coup, sans avoir vu comment elles étaient entrées, j'aperçus trois carmélites, revêtues de leurs manteaux et grands voiles. Il me sembla qu'elles venaient pour notre mère, mais ce que je compris clairement, c'est qu'elles venaient du ciel. Au fond de mon cœur, je m'écriai « Ah, que je serais heureuse de voir le visage d'une de ces carmélites !» Alors, comme si ma prière avait été entendue par elle, la plus grande des saintes s'avança vers moi. Aussitôt, je tombai à genoux. « Ô bonheur !» La carmélite leva son voile, ou plutôt le souleva et m'en couvrit. Sans aucune hésitation, je reconnus la vénérable mère Anne de Jésus, la fondatrice du Carmel en France. Son visage était beau, d'une beauté immatérielle. Aucun rayon ne s'en échappait, et cependant, malgré le voile qui nous enveloppait toutes les deux, je voyais son céleste visage éclairé d'une lumière ineffablement douce, lumière qu'il ne recevait pas, mais qu'il produisait de lui-même. Je ne saurais redire l'allégresse de mon âme, ces choses se sentent et ne peuvent s'exprimer. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce doux rêve, cependant le souvenir qu'il laisse à mon âme n'a rien perdu de sa fraîcheur, de ses charmes célestes. Je vois encore le regard et le sourire plein d'amour de la vénérable mère. Je crois sentir encore les caresses dont elle me combla. Me voyant si tendrement aimée, j'osai prononcer ces paroles. « Ô ma mère, je vous en supplie, dites-moi si le bon Dieu me laissera longtemps sur la terre. Viendra-t-il bientôt me chercher ?» Souriant avec tendresse, la sainte murmura. « Oui, bientôt, bientôt, je vous le promets. » « Ma mère, ajoutai-je, dites-moi encore si le bon Dieu ne me demande pas quelque chose de plus que mes pauvres petites actions et mes désirs. Est-il content de moi ?» La figure de la sainte prit une expression incomparablement plus tendre que la première fois qu'elle me parla. Son regard et ses caresses étaient la plus douce des réponses. Cependant, elle me dit « Le bon Dieu ne demande rien autre chose de vous. Il est content, très content. » Après m'avoir encore caressée avec plus d'amour que ne l'a jamais fait pour son enfant la plus tendre des mères, je la vis s'éloigner. Mon cœur était dans la joie, mais je me souvins de mes sœurs et je voulus demander quelques grâces pour elles. Hélas, je m'éveillais. « Ô Jésus !» L'orage alors ne grondait pas. Le ciel était calme et serein. Je croyais, je sentais qu'il y a un ciel et que ce ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, qui me regardent comme leur enfant. Cette impression reste dans mon cœur. d'autant mieux que la vénérable mère Anne de Jésus m'avait été jusqu'alors absolument indifférente. Je ne l'avais jamais invoquée, et sa pensée ne me venait à l'esprit qu'en entendant parler d'elle, ce qui était rare. Aussi, lorsque j'ai compris à quel point elle m'aimait, combien je lui étais peu indifférente, mon cœur s'est fondu d'amour et de reconnaissance, non seulement pour la sainte qui m'avait visitée, mais encore pour tous les bienheureux habitants du ciel. Ô mon bien-aimé, cette grâce n'était que le prélude de grâces plus grandes dont tu voulais me combler. Laisse-moi, mon unique amour, te les rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, le 6e anniversaire de notre union. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerais aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs, j'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile, dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'eau bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers.